Pascal s'était endormie à l'aube et n'avait pas entendu Aurore partir. Elle ouvrit un œil vers 9h, étonnée de constater qu'il faisait grand jour. Par bonheur, elle ne prenait son service qu'à midi, pour une garde de 24h qui risquait d'être épuisante. Elle enfila une robe de chambre et descendit à la cuisine en bâillant. Aurore avait posé un petit mot à côté de la cafetière isotherme. « Tu as reçu du monde cette nuit ?»« Cachaudière. Bonne journée quand même. Je rapporterai de l'aspirine, j'ai tout avalé. » Amusée, Pascal se souvint qu'elle avait laissé les tasses sur la table. Après avoir longtemps discuté avec elle, Sam était parti vers 5h. Sur le pas de la porte, il avait refusé qu'elle sorte, promettant de bien refermer la grille derrière lui. Et il l'avait de nouveau serrée dans ses bras, sans ambiguïté cette fois. Elle se versa un grand bol de café fumant, ajouta de sucre. Le temps qu'il refroidisse, elle s'approcha de la porte-fenêtre et jeta un coup d'œil au dehors. Le ciel était plombé, comme annonciateur de neige. Elle n'avait pas souvenir d'en avoir souvent vu à Pérols, même lors d'hivers rigoureux. Mais elle se mit à espérer un Noël tout blanc. « Et la route alors » bougonna-t-elle. D'où elle était, elle apercevait la serre et les grands hibiscus dénudés, plantés par son père à l'emplacement de l'atelier incendié. Comment avait-elle pu émettre devant Sam une idée aussi monstrueuse qu'une quelconque responsabilité de son père dans ce drame? Allait-elle se mettre à le suspecter des pires crimes, uniquement parce qu'il lui avait caché l'existence de Julia? Avec de semblables hypothèses, elle finirait par se méfier de tout le monde et voir des fantômes partout. Non, décidément, les sages conseils de Samuel représentaient la voie de la raison. Avant tout, une explication s'imposait, et cette conversation trop longtemps différée avec son père aurait lieu d'ici peu. En attendant, elle devait cesser de se torturer avec cette histoire. Elle retourna s'asseoir, but quelques gorgées de café. Tout à l'heure, à l'hôpital, Aurore ne manquerait sûrement pas de l'interroger à propos du mystérieux visiteur nocturne. Un visiteur bien innocent. Enfin, presque. Bon. Se retrouver dans les bras de Samuel lui avait procuré un plaisir indéniable. Du désir aussi. Inutile de s'aveugler. Et si depuis quelques jours, elle s'endormait en pensant à Laurent, elle avait bel et bien eu envie de faire l'amour avec Sam hier soir. Étrange de découvrir que ces deux hommes pouvaient la séduire tour à tour. Était-ce dû à une trop longue période d'abstinence ou à l'état de fragilité dans lequel la plongeait le mystère de Julia? Se réfugier contre Sam était si naturel, si évident, si rassurant, et vraiment très sensuel. Le considérer comme un ami revenait peut-être à se mentir à elle-même. Pourquoi avait-elle fait la sourde oreille le soir où il lui avait affirmé « Quand un homme a vraiment aimé une femme, pour lui l'histoire n'est jamais finie ?» Songeuse, elle se resservit un peu de café. Il était délicieux. Aurore le préparait très corsé et dosait avec soin son propre mélange d'arabica. Pascal prit le temps de le savourer avant de monter se glisser sous la douche. Ensuite, elle mit un t-shirt blanc en prévision de sa garde. Il régnait une chaleur suffocante dans le service de pneumo. Enfila par-dessus un pull à col roulé beige et choisit un jean en velours prune. Retrouver ses patients et l'atmosphère de l'hôpital allait lui permettre de ne plus penser à ses problèmes. Julia, son père, Sam, Laurent et Noël qui arrivait trop vite, avec la maison à décorer et tous les achats à prévoir. D'ailleurs, puisqu'elle était en avance, elle n'aurait qu'à s'arrêter dans Toulouse pour faire quelques courses. Dehors, le froid piquant la fit s'engouffrer dans sa voiture. Elle laissa le moteur chauffer et mit la ventilation en route, tout en regardant le parc à travers le pare-brise. La végétation luxuriante de l'été avait laissé la place à des arbres nus, et quelques feuilles mortes échappées aux râteaux constellaient la pelouse de taches brunes. La vigne vierge avait disparu de la serre, aucune fleur ne poussait plus. Fouillant sa mémoire, elle essaya de se souvenir du prénom de la mère d'Adrien. Alexandra ? Une belle femme blonde, un peu fade, dont elle avait vu une ou deux photos. Son père n'en parlait pas, comme si elle n'avait jamais existé. Et lorsque Pascal était né, Adrien appelait Camille maman depuis longtemps. À quel moment avait-elle appris qu'Adrien était son demi-frère? Cette vérité-là, si naturelle, faisait partie de l'histoire des Fontanelles. On ne la lui avait jamais cachée, contrairement à Julia. Pourquoi? Avec un soupir excédé, Pascal s'engagea sur la route. Trop de questions et aucune réponse, mais peu importait. Elle finirait par tout savoir parce qu'elle l'avait décidé. Têtue comme elle l'était, elle y arriverait fatalement. Ensuite, à elle de juger si elle pourrait pardonner.